La seule chose qu'il mérite, c'est d'aller à Cayenne. Radio Cayenne. Hello, hello, hello, Radio Cayenne. Alors, parce que en fait, eh ben, on dirait que l'automne est aux aides bonnets absents cette année et qu'on fait une transition brutale été-hiver un peu dégueulasse et un peu pas juste. Franchement, il n'y a même pas eu de consultation citoyenne pour décider de supprimer l'automne. Moi, je suis dégoûtée. Je trouve ça trop naze. Du coup, eh ben, on s'était dit que ce serait peut-être pas mal de vous proposer des tips, des astuces, des petits trucs pour affronter l'hiver et les basses températures avec des choses simples et prendre soin de sa santé. Et prendre soin de sa santé au niveau physique, physiologique, au niveau du corps, et ben ça fait du bien au moral aussi. Parce que s'occuper de soi, et ben c'est super chouette. Du coup, truc de base, pour éviter les propagations de germes, de microbes, de virus, pensez à bien se laver les mains. Pensez à bien se laver les mains régulièrement. Ça empêche la transmission de plein de trucs, d'autant plus si vous fréquentez au quotidien des enfants ou des personnes âgées qui sont quand même plus vulnérables aux petites affections de l'hiver. Pensez également, si vous avez la chance d'avoir un toit, à ouvrir les fenêtres tous les jours, même s'il fait froid, pendant au moins 20 minutes. Bah déjà, ça permet de renouveler l'air qui est à l'intérieur, parce que même si normalement, il y a un système d'aération qui est censé être là pour que tu t'étouffes pas. Pardon. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et ben en fait, même si normalement il y a un système d'aération qui est censé renouveler au minimum vital l'air qu'il y a dans la pièce où tu vis, et ben ouvrir les fenêtres, ça permet de renouveler cet air-là. Parce que toi, quand tu respires, tu absorbes l'oxygène, mais tu rejettes du CO2. Et du coup, plus il y a de CO2 dans l'air avec tout ce que tu souffles et que tu respires, et ben moins l'air que tu respires dans ta pièce est agréable. Du coup, ouvre les fenêtres pour renouveler l'air. Ça permet également de virer un peu les petites poussières qui s'installent. Et de faire un petit coup de frais, voilà, pourquoi pas. Pff, hop, c'est bon pour la circulation. Mais sinon, au pire, tu peux ouvrir 20 minutes et puis te barrer et faire autre chose. Alors, aussi, pour les fumeurs, fumeuses. Alors, fumer, en fait, les fumeureuses. Fumer, c'est un truc, une pratique qui est addictive, donc c'est pas évident. Donc les conseils du style, bah t'as qu'à arrêter, c'est un peu naze et on n'a qu'à dire qu'on s'en fout. Et que chacun, chacune verra bien quand elle aura envie, en fait. Mais il faut savoir, c'est quand même utile que fumer augmente de manière assez importante les besoins en vitamine C des gens. Donc, les vitamines C, on en trouve où ? Dans les agrumes, les kiwis. Sauf que avec la gueule de l'agriculture en ce moment, bah, en fait, les teneurs en vitamines, c'est un peu capoute. Et qu'au final, si t'as pas moyen de t'acheter des fruits, ou si t'en trouves pas dans ta récup, même si en général il y en a hein, des agrumes parce que c'est la saison, tu peux aussi acheter des compléments en vitamine C. Tu peux trouver ça sous forme de gélules à avaler, ou alors des comprimés effervescents que tu peux mettre dans un verre. C'est un petit goût sucré un peu orange dégueu, mais au moins t'es sûr que t'as toutes tes réserves en vitamine C et ça peut te donner de l'énergie. Prends ça plutôt le matin, parce que si t'es un petit peu sensible au niveau du sommeil et que t'as du mal à dormir le soir, bah la nuit tu vas pas dormir en fait si tu prends avant de te coucher, donc prends plutôt le matin. Non mais il y a des plantes sauvages aussi qui sont partout qu'on peut aller chercher, c'est la ficaire qui est bourrée de vitamine C, il y a l'oseille, il y a l'ortie, il y a le quenopode, il y a énormément de plantes sauvages qui marchent quoi. L'aubépine aussi. Oh trop bien, l'aubépine aussi, je savais pas, c'est trop chouette, c'est trop participatif, c'est trop bien. Et du coup c'est cool, merci pour l'astuce. Vous pouvez aussi vous complémenter en zinc. Il paraît que c'est pas mal en fait pour l'estomac et le fonctionnement du système intestinal, parce que en fait il se passe un truc. L'estomac, c'est un organe, l'estomac et les intestins, c'est des organes qu'il faut vraiment choyer et prendre soin si on en a l'envie, les moyens et l'énergie, parce que quand on mange des trucs considérés comme pas terribles pour son équilibre alimentaire ou pas trop diététique, bah en plus d'un à quoi Radio Cayenne, c'est pas diététique, n'importe quoi. Radio Cayenne, c'est bon pour la santé, ça devrait être remboursé par la sécu, désolé. Oui, je suis chez le médecin, alors j'ai une prescription pour écouter Radio Cayenne. Bon, allez. Vous voyez ce qu'on entend, vous ne seriez pas d'accord. Oh là là là là, comment ça balance en studio. On se reprend. Et du coup, ouais, c'est important de prendre soin de son estomac. de son estomac et de ses intestins, parce qu'en plus d'influer sur tout un tas de caractéristiques physiologiques, il y a des gens qui peuvent prendre du poids, des gens qui peuvent ressentir un manque d'énergie parce qu'ils mangent pas bien, et ben ça a aussi une influence sur, directement sur le cerveau et donc sur le moral. Donc n'hésite pas à te complémenter en zinc si tu en as l'envie. Les zinc, ça peut se trouver sous forme de petites gélules que tu peux chourer dans n'importe quel biocop. Mais si t'es riche, tu peux régulièrement te commander un plateau de fruits de mer. Ou si t'as de la chance et que t'habites au bord de mer, peut-être... Ouais, je crois que je vais créer une cagnotte, genre affrontons l'hiver, payez-nous des plateaux de fruits de mer. Trop bonne idée. À la pêche à pied. Hashtag pêche à pied. Hashtag peut-être que t'habites pas loin de la mer et que... Et hashtag spéciste, ouais aussi, c'est sûr. Désolé, c'est pas très vegan comme chronique. Et que peut-être que t'as de la chance et qu'un de tes parents, de tes grands-parents, ben, pêche encore et peut-être t'amènes du poisson et des fruits de mer régulièrement. Voilà. Voilà. Et du coup, j'avais une petite partie dans cette chronique qui était plus tisane, gargarisme, inhalation. Donc, on m'a pas mal recommandé le fenouil. Le fenouil qui permet en tisane, donc la technique de la tisane, c'est-à-dire de prendre ta plante, de la mettre au fond de ta tasse ou ton bol ou ton récipient où tu fais ta tisane et de verser dessus l'eau une fois qu'elle est bouillante et de laisser infuser un petit peu. Le fenouil en tisane, c'est pas mal parce que ça permet de dégager les voies respiratoires. Du coup, ça te permet de tousser un truc un peu dégueulasse, un peu tes miasmes, un peu tes huîtres chaudes que t'as au fond... Les huîtres chaudes que tu as au fond de ton conduit ORL. Mais t'inquiète pas, c'est normal, il faut que ça sorte. C'est comme la lacrymo, il faut que tu craches. En tisane, sur le podium du Very Best Of, nous retrouvons le trio, voire, ouais, j'avoue, ouais, le trio, voire, je sais pas, ex aequo, le thym, le citron, le miel et le gingembre. On peut faire une tisane de thym toute seule, mais également thym, citron et miel, ou citron et miel tout seul, ou juste citron avec un truc sucré. C'est assez chouette pour soulager les toux sèches ou grasses. Thym, ail, citron, ça marche hyper bien. Thym, ail, citron. C'est très dégueu, mais ça marche vraiment bien. Ouais, je crois que c'est l'ail en fait. Mais après, l'ail, c'est hyper chouette pour plein de trucs. C'est bon, c'est antibactérien, antimicrobien. L'ail, c'est aussi un aliment qui permet d'améliorer la circulation du sang. Ouais, éloigner les vampires. Voilà, Nicole Klein ne viendra pas vous voir. Parce qu'elle nous suce le moral. Et l'ail aussi, si vous savez pas, eh ben, en autogynécologie, c'est hyper chouette. Une gousse d'ail épluchée mais non coupée, vous pouvez l'enrober dans un petit morceau de gaze et l'introduire, pour les personnes qui ont des vagins, à l'intérieur du vagin pour soulager les mycoses et autres affections gynécologiques. À changer 3 à 4 fois par jour avec une nouvelle gousse. Et oui, le yaourt aussi, en remède autogynéco, qui est chouette. Vrai de vrai, frais de frais. Et voilà, les remèdes autogynéco, on pourra peut-être faire une prochaine fois, c'est aussi un sujet trop chouette. Les gargarismes, c'est quand vous prenez un liquide, que vous le mettez dans votre bouche, que vous n'avalez pas, et qu'ensuite vous penchez la tête en arrière, vous ouvrez votre bouche, et que vous faites un truc qui ressemble approximativement à... Voilà, faites-le devant un évier ou un lavabo, c'est quand même plus pratique. Donc, quoi, c'était hyper radiophonique ce que je viens de faire, je suis désolée. Et en gargarisme, l'eau très salée, c'est pas mal aussi pour désinfecter un petit peu tout ça. Donc, sur du gros sel, ou si on est pauvre, juste du sel, vous venez verser de l'eau bouillante. Et vous touillez jusqu'à ce que le sel soit complètement dissous, qu'il ait disparu dans l'eau chaude, et vous faites vos petits gargarismes. Et aussi, précision, comme tous les remèdes naturels, ou qui sont hors allopathie, hors médicaments, c'est surtout efficace sur le moyen à long terme. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'il faut répéter un peu tous les jours avant d'en voir les effets, et qui sont très souvent aussi préventifs et pas curatifs. Alors, on a parlé de tisane. On a parlé gargarisme, on va parler inhalation. L'inhalation, je trouve que c'est une pratique vraiment très très chouette, car en plus d'avoir des effets sur les voies respiratoires, nez, bouche, gorge, ORL, je trouve que c'est aussi un moment où il y a vraiment moyen de se détendre en fait et se prendre un petit moment à soi. Donc comment faire une inhalation à la maison ? Prends un bol ou un saladier assez grand, verse dedans de l'eau bouillante. Tu peux ajouter 2 gouttes d'huile essentielle de ton choix, soit parce que tu trouves qu'elle sent bon. Et pourquoi 2 gouttes ? Parce que plus en général, ça peut être un peu piquant pour les voies respiratoires, ça peut brûler les muqueuses, les yeux, les lèvres, et si t'as des petites coupures sur le visage, ça peut te brûler aussi. Donc juste 2 gouttes, pas plus, vraiment ça suffit, c'est assez puissant ces choses-là. Donc ton huile essentielle préférée, qu'est-ce qu'on a en huile essentielle préférée ? Alors, moi, l'eucalyptus, c'est hyper chouette. L'huile essentielle d'arbre à thé, l'arbre à thé, c'est un must, on peut tout faire avec. La girofle aussi, c'est pas mal. L'huile essentielle de clou de girofle aussi, si vous avez des douleurs dentaires, juste 1 goutte à l'endroit où vous avez mal, ça soulage vraiment très bien. Et c'est plus concentré que les clous de girofle. La menthe poivrée, également efficace contre les migraines. Le géranium, parce que ça sent trop bon, on me dit. Et contre les migraines, du coup, le cyprès. Contre la toux sèche. Le cyprès contre la toux sèche, c'est pas mal. On m'a dit aussi le Ravinstara, c'était vraiment très bien contre les petits rhumes, les petites affections d'hiver. Et après avoir parlé tisane, gargarisme et inhalation, pardon, je suis pas allée jusqu'au bout de mon truc pour l'inhalation, c'est pas très suivi tout ça. Dans un bol d'eau bouillante, exactement, dans un bol d'eau bouillante, vous mettez 2 gouttes de votre huile essentielle préférée selon les effets désirés ou juste parce que ça sent bon et c'est cool. Munissez-vous d'une petite serviette que vous placez au-dessus du bol, mettez votre visage en dessous et respirez profondément. Ça vous fait un petit hammam maison sur le visage et c'est un truc qui détend bien. Vous pouvez ajouter aussi dedans des plantes qui sentent bon, des fleurs qui sentent bon. Vous pouvez aussi mettre du thé, c'est pas mal. J'ai déjà essayé, l'effet détente est assez là. Avec du thé vert, c'est chouette. De la mélisse. La mélisse, me la boire et je l'aurai. Radio Cayenne. C'est les tisanes pour l'hiver. Et en dernière pratique, après les tisanes, le gargarisme et l'inhalation, également toutes les petites préparations qu'on peut s'appliquer au niveau du torse, juste entre la poitrine et la gorge. Et c'est des petites choses qu'on va pouvoir venir respirer pour se dégager les bronches. Alors, on peut faire plusieurs mélanges sur une base d'huile végétale. Donc, c'est un peu en fonction de votre préféré ou de ce que vous avez sous la main. Ça peut être de l'huile d'olive, même si c'est très gras, de l'huile d'amande douce, de l'huile de chanvre, trouvable en biocoop au rayon alimentaire, huile de coco, huile de tournesol, si vraiment on est dans la dèche, hein, pourquoi pas. Et en fait, le but, c'est de faire une base huile végétale avec quelques gouttes, vraiment 2 ou 3, pas plus, d'huile essentielle dans sa préparation et de venir l'étaler sur le torse, du coup, pour pouvoir le respirer dans la journée ou pendant la nuit et se dégager un petit peu les bronches pendant qu'on a cette petite mixture. Et du coup, au niveau des huiles essentielles, c'est un peu les mêmes que celles qu'on recommandait pour les inhalations. Alors, eucalyptus, cyprès, ravinstara, titri, la lavande aussi, lavande vraie surtout, qui peut avoir un effet anxiolytique, qui va peut-être venir calmer un petit peu certaines anxiétés, certaines angoisses. Ça la peut camomille être sympa. Est géniale pour ça, par exemple. La camomille. Et du coup, vous, c'est quoi vos astuces pour vos astuces santé un petit peu ? Le millepertuis. Ah oui. Le matin, indispensable, de l'avoine, de la banane, du gingembre, éventuellement un peu de curcuma frais dans un bol. Et la journée commence bien. Et après, tu peux fumer un petit peu, boire un petit peu. Ton estomac va supporter même le café. Waouh ! Le miel aussi, le miel. Non, je disais, le millepertuis pour le moral, c'est au top. Millepertuis. Alors, juste sur le millepertuis, je crois que c'est pas compatible avec les personnes qui prennent une contraception orale. Et des personnes qui prennent des antidépresseurs aussi. Enfin, le millepertuis peut influer en fait sur l'efficacité de ces traitements-là. Donc, le millepertuis, c'est hyper chouette. Je l'ai testé et ça marche vraiment bien sur le moyen-long terme. Mais à savoir, du coup, si on prend déjà un traitement par voie orale, vérifier auprès de son pharmacien ou de sa pharmacienne si ça n'interfère pas avec. Ou des herboristes, s'il y en a dans ton coin. Sinon, moi aussi, pour les bronchites, enfin pour expectorer, comme on dit, la myrte rouge, ça marche bien. Voilà, et autrement, pour le mal de gorge et tout ça, tu peux faire des tisanes de bouillon blanc aussi. Je crois. Il est mangé. Oh là là, il y a un blanc. Il y a un blanc, trop de blanc. Est-ce qu'on a fini avec les remèdes ou est-ce qu'il y avait encore des trucs? Ah, on m'a dit qu'il y avait une petite astuce aussi. Ah, il y a un truc aussi pour les hémorroïdes aussi qui marche bien, c'est prendre une pomme de terre crue, la tailler en suppositoire et se le mettre dans les fesses et ça atténue et ça marche plutôt bien. Donc, j'ai un ami qui avait beaucoup de problèmes, qui a essayé beaucoup de choses et qui c'est un des seuls trucs qui marchait. Avec la décoction de marron aussi, je crois. Et du coup, question, c'est quoi la différence entre une décoction et une infusion ou une tisane? Ah, on me fait signe que la personne qui vient de dire ça pédale dans la semoule. Nous n'avons pas la réponse. Ah, voilà la différence entre décoction et tout le reste. Alors, je ne sais plus qui est décoction ou dit infusion, mais en tout cas, il y a un des deux, c'est on fait bouillir avec la plante, et où on ne fait pas bouillir, mais on fait chauffer avec la plante. Et l'autre, c'est on fait bouillir l'eau et on met après sur la plante. Je sais pas. D'accord. Je crois qu'il y a aussi la macération. Tu laisses plusieurs jours. Je crois qu'il y a un consensus général pour dire que infusion, c'est qu'il y a les plantes sèches d'un côté, on verse l'eau bouillante dessus et on laisse infuser. La décoction, c'est faire cuire les plantes dans l'eau qui boue au fur et à mesure. Et la macération, c'est juste laisser tremper dans de l'eau ou de l'huile ou n'importe quel liquide. L'alcool, ouais. Genre, voilà, par exemple, des bonbons dans de la vodka, c'est une macération. Oui, a priori. C'était pas très pro-santé, ce tips, mais après tout... Ou de l'ananas dans du rhum. Ouais, c'est vrai que ça donne envie. Allez. Et voilà. Je crois qu'on peut dire qu'on peut clôturer cette rubrique et envoyer un petit peu de musique. Et on fait de gros bisous, s'ils en ont envie. Et on envoie beaucoup d'amour et de tendresse avec les gens qui dépriment un petit peu à l'approche de l'hiver, parce que moins de lumière... Parce que moins de chaleur, parce que moins de tout. Thank you. Thank you.